Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 59e Vampire Freaks. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut, je suis ravi de vous retrouver. C'est Spike et on va passer un bon moment ensemble. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Merci pour vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Une petite nouveauté cette saison, Vampire Freaks est partenaire du collectif L'œuf de pierre du Puy-en-Velay. C'est une asso qui organise des concerts. Le but, c'est faire jouer les groupes que je diffuse dans la Vampire Freaks et diffuser les groupes qui vont jouer pour le collectif. D'ailleurs, cette semaine, le 5 novembre, donc samedi, à 21h30, il y aura le premier concert de la saison donc à la Map Monde, 6 rue Félix Boudignon, au Puy-en-Velay. Et la Vampire Freaks sera là. J'interviewerai les musiciens et j'ai un peu d'extrait. Je vous diffuserai un ou deux morceaux. Enfin, on verra ça pour la 60e qui sera une spéciale. N'oubliez pas, 60, 60, 60. Et donc, nous, on y sera avec la Vampire Freaks. Si vous voulez boire un coup, il n'y a pas de souci. Je suis dispo. Donc, n'oubliez pas, samedi 5 novembre à 21h30, la Map Monde, 6 rue Félix Boudignon au Puy-en-Velay. On commencera cette émission avec Wake Up de Forbidden. C'est sur l'album Distortion, sorti le 30 novembre 1994. On peut entendre Distortion, No Reason et 21 Century Schizoid Man. On continuera ensuite avec une nouveauté de Leap of Faith de Elie. C'est sur l'album Undeniable, sorti le 3 juin 2016. On retrouve Scratch Relay, Be Undeniable, Blood Plague et entre autres, un excellent album. On poursuivra avec une autre nouveauté, Creating God, le nouveau Avenged Sevenfold. C'est sur leur 7e album, The Stage, qui est sorti dernièrement, là, le 28 octobre 2016. On retrouve Paradigm, Angels et Ailleurs, un top, top, top album. Je passerai ensuite à un grand classique, Répression de Trust. C'est sur l'album Répression, sorti le 30 mai 1980. On retrouve Océans Antisocial, Saumur et Monsieur Comédie. Et on finira ce bloc en live avec Peter Tosh et Bush Doctor. C'était aussi le titre de cet album, sorti en 78. On retrouve Pick Myself Up, Soon Come et Creation notamment. Now take a look, stand up, spitting in the face of fear. Break out, now's the time to find your way among your stillborn. Move on, take your place in what will be. Rise up from the ashes, pull away, accept no silence. Wake up, do it for humanity. They say that life's what you make. We'll be right back. motion, got me ready to blow. Motion clear my head and I'm taking a stand. I got a bucket full of bullets and there's two guns in my head. Can I get a victim? Doesn't know what my right half is doing. Anxiety is building up inside my mind. My back's a second up and I'm just waiting here to die. Can I get a victim? I wanna be the victim. I'm too good. Yeah. dangerous, cancerous, a hazard to your health. Does that mean nothing to you? Or you? We have a legalized marijuana, yeah. I'm an ambush doctor, and there will be no more smoking and a feeling tense. And when I see them come, I don't have to legalize the marijuana. Build up your failing economy, wipe out this slavish mentality, and there will be no more illegal humiliation, and then no more intimidation. Vous êtes toujours dans la 59e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Wake Up de Forbidden, Leap of Faith, une nouveauté de L.I.E., du nouvel album de L.I.E., Creating God, une nouveauté aussi, le nouveau Avenged Sevenfold. On a écouté ensuite le grand classique Répression de Trust, et on a fini avec Booze Doctor en live. On continuera cette soirée avec une autre nouveauté, un morceau que je dédicace à tous ceux qui, comme moi, aiment le son et surtout pratiquent le son Do It Yourself. Ça c'est Garage Band, le nouveau titre de Arnaud Futur, l'ex-chanteur des Salles Majestés, qui a eu la gentillesse de m'envoyer l'album avant toutes les radios et avant qu'il soit sur Deezer et autres plateformes légales. Merci Arnaud, merci camarade, t'es un mec bien. L'album s'appelle Cannibal, tous ceux qui nous dévorent, il est sorti en 2016. On retrouve Big Brother, Black Spider et Cannibal, un excellent album. Je vous filerai les liens pour se le procurer. Je passerai ensuite Légitime Vengeance en vinyle de Charge 69. C'est sur l'album Résistance Électrique, sorti en 2011. On retrouve Contre la Montre, Strict Minimum et Génération Sans Repère. Tiens, un petit truc qui change un peu. Liquor Store Blues de Bruno Mars, c'est sur l'album Doo Wop and the Hooligans, son premier album sorti le 4 octobre 2010. On retrouve Just the Way You Are, Running Baby et In the Sun. Et on continuera ensuite avec Politicien de Tikenja Fakoli, c'est sur l'album Le Caméléon, son troisième album sorti en 2000. On retrouve Le Pays Va Mal, Y'en a Marre et Tête de Mule. Et on finira ce bloc en live avec du culte Shock Me de Kiss, c'est sur l'album Love Gun, leur sixième album sorti le 30 juin 77. Ah ouais, ça nous rajoute ni passe. Hein. On retrouve dessus I Still Your Love, Christine 16 et Hooligans. Il a été certifié triple disque de platine et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Un carton. Au fond de mon garage, quand la nuit est tombée, j'ouvre mon garage vent pour mieux me révolter. J'enregistre des sons et je colle des mots qui parlent de colère et de révolution. Alors je fais des temps, j'accélère les tempos. Je prends un épinaire qui me porte sur les nerfs. Je sens la clé de dos et j'ose le ton. En train de garde-croix, je fais mes textes solo avec Garage Band. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel avec Garage Band. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel. Quand j'utilise Pro Tools, je me sens toujours cool. Grâce à Logic, je reste toujours très chic. Je vis ma vie à fond au fond de mon garage. Soldat de garage vent pour mieux soigner mes mots. Alors je fais des temps, j'accélère le tempo. Je prends un éternel qui me colle sur les nerfs. Je change la clé de dos et chausse le ton. En train de faire le croc, je fais péter le solo avec Garage Vent. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel avec Garage Band. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel. J'ai tous les processeurs sous antidépresseurs. Depuis que GarageBand nous a laissé tomber, moi et mon clavier, on s'est mis à divaguer. On utilise des groupes pour faire des grosses guitares qui sonnent comme un Marshall qui aurait fumé trop de pétards. On se branche au midi même quand il est minuit. Les céréales killers sont encore de sortie. Et toutes les nuits, tous les chats sont gris. Alors on pète les dents, on accélère plus tempo. On reste en majeur et on prend des rythmes ternaires. On ne saute plus le dos entre deux paires de crocs. Et on joue solo, et on joue solo. Juste rien n'existait. Non, fonctionne. Oppression et tension, c'est ma dernière limite. Je vais éclater comme un feu au quartier de sans sentiment, la terreur triomphe de la mystère du temps. Exploité, piétiné, fragilisé, humilié, plus rien n'a pardonné. La violence est opprimée, va finir par s'exprimer. Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla. You know me? Standing at this liquor store, whiskey coming through my pores, feeling like I run this whole block. Lotto tickets cheap, yeah, that's why you can catch me here trying to scratch my way up to the top. Cause my job got me going. I'll take one shot for my pain, one drag for my sorrow. Get messed up today, I'll be okay tomorrow. One shot for my pain, one drag for my sorrow. Get messed up today, I'll be okay tomorrow. Me and my guitar tonight, singing to the city. Cause 68 cent just ain't gon' pay the rent, so I'll be out until they call the cops. Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. I'll take one shot for my pain, one drag for my soul. I'm flying high like Superman. I'm thinking that I run the whole block. I don't know if it's just because pineapple kush between my jaws has got me feeling like I'm on top. Feeling like I would stand up to the cops and stand up to the big guys, because the whole of them are sops. All the talk, them a talk, and then fly me no drop. Enough ghetto youth cannot escape the trap. The world. Voice of the one called Bruno Mars alongside Gang to Priscilla, aka Damien Junior Gang Marley. Yes, sir. You best believe. My Vous êtes toujours dans la 59e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un excellent bloc là. Garage Band en nouveauté d'Arnaud Futur, il est excellent cet album. Légitime Vengeance en vinyle de Charge 69, Licor Store Blue de Bruno Mars et Damian Marley, je l'ai oublié tout à l'heure Damian Marley, Politicien de Tiken Jiafakoli et Shock Me en live de Kiss. On poursuivra cette émission avec Glass Sandwich de Primus sur l'album Tales from the Punch Bowl, qui est sorti le 23 mai 1995. On retrouve Monsieur Blaylin, Southbound Pachyderm et Off the Truck Again. On continuera ensuite avec une nouveauté, le nouveau Amon Amarth Wanderer, c'est sur l'album Young Viking, sorti en octobre 2016. On retrouve First Kill, Raise Your Horns et Dream Cannot Be, entre autres. Je diffuserai ensuite un petit extrait, un petit morceau vinyle, La Rage au Corps de Brigada Flores Magón, c'est sur l'album Tout pour Tous, sorti en 2007. On retrouvera Les Murs, Fashion Scum et Violence. Tiens, un petit coucou là. In My Bed de Amy Winehouse, c'est sur l'album Frank en 2003. On retrouve Fuck Me Pumps, October Song et Help Yourself. Moi, elle me manque beaucoup. Et on finira ce bloc en live avec Train Kept Rolling de Aerosmith. C'est sur l'album Get Your Wings, leur deuxième album, sorti le 1er mars 1974. On retrouve Lord of the Tie, Spacehead et... comment c'est ? Pandora's Box, un superbe album. visions of death and gore. It is the future that I see, and if this is truly my fate, then so be it. Ways a different way from where I'm face, but that don't make your place safe in my bed, my bed, my bed. I'm at the Vous êtes toujours dans la 59e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Glass Sandwich de Primus, et Wanderer, le nouveau titre d'Amon Amarth, La Rage au Corps en vinyle de Brigada Flores Magón, In My Bed de Amy Winehouse et Train Kept Rolling d'Aerosmith en live. On continuera cette émission avec une nouveauté, Raphaël de Fidel Fiasco. C'est sur l'album Bang Bang 2007. On retrouve encore ici Bang Bang et Le Monde M'énerve, un excellent, excellent album. Des assos, essayez de les faire venir. Ils sont tournés en France l'année prochaine, ils me l'ont dit la semaine dernière. on continuera ensuite avec une autre nouveauté, 49.3 de Post 942. C'est sur l'album Extended Play 2, sorti en 2016. C'est à trois titres. On retrouve 49.3, Devil's Complaint et Opium from the Maces. Allez faire un tour sur la page Facebook de Post 942. Il y a aussi une page Bandcamp. Je vous refilerai les liens parce que l'album, on peut l'avoir que par Bandcamp. On continuera avec un grand classique, Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival. Un excellent vieux morceau. C'est sur l'album Green River, leur troisième album, sorti le 3 août 1969. On retrouve Commotion, Purpose et Nightmare is the Night Time is the Time. Ah, mercredi. Night Time is the Right Time. Un album culte. On poursuivra ensuite avec Kingdom of Zion d'Alborosi. C'est sur l'album Escape Babylon to Kingdom of Zion. C'est sorti le 16 février 2010. On retrouve Kingston Town, Stepping Out et No Cocaine, entre autres. On continuera et on finira, pardon, ce bloc en live avec You Can't Stop Rock'n'Roll. Non, non, pas par AC/DC, que non point. Non, non, par les Twisted Sisters. Ouais, c'était aussi le titre de l'album. C'était sorti le 27 juin 1983. On retrouvait The Kids Are Back, Ride to Live, Live to Ride. J'arrive pas à me relire aujourd'hui. We're Gonna Make Me, notamment. Thank you. you a wicked man, you cannot enter the kingdom of Zion. The fire right, you know. The kingdom of Zion, no one place upon the earth. And no exclusive like UK, and no extreme like JA's. Not a land far away where there's no night, only day. Just follow what the book has said. Follow the light, we lead the way. Come, brother, you bad. Yes, you do. It was a clap, no, it's a boo. It was news, no, it's taboo. It was a family, no, it's a crew. So, build upon your shoulder, blood stain by your boots. You have bad tree with bad roots. So, bad seed make dead suits, yeah. Redeem yourself, never deny yourself. You go mash up yourself and do the same to someone else. You boy better know what you do, cause the life you took away will be taken away from you. Zion, no VIP pass, no jail, PPMP tax, no subject, no class. It's free for the mass, gift from Jah through the Ras, promote by the messenger, worldwide bash. Enter the kingdom, free up jump down, come join the stardom, no killings, no phantom. My affy meet tongue, mouth affy chant songs, word affy spread around, judgment how come no. No one place on the earth, and no exclusive like UK, and no extreme like JA. Well, Jah bless Yeah. Vous êtes toujours dans la 59e Vapeurs Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là, une bonne nouveauté. Raphaël de Fidel Fiasco, allez faire un tour sur la page Facebook de Fidel Fiasco. On a écouté ensuite 49.3, une autre nouveauté de Post 942. Pareil, allez sur la page Facebook de Post 942, c'est du très très bon stoner, ils sont du Var. On a écouté ensuite Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival, un grand grand grand classique. Moi j'aime bien les vieux sons. On a continué avec Kingdom of Zion de Alborosi et on a fini en live avec You Can't Stop Rock and Roll de Twisted Sisters. On continuera cette émission avec Toujours à fond de Broussailles. C'est sur l'album In the Street, sorti en février 2015. On retrouve Violence In the Street, Dans la Marge et Mr. Mandela. On écoutera ensuite The New Style de Beastie Boys. C'est sur l'album Listens to Free, leur premier album, sorti le 15 novembre 1986. On retrouve Rimming and Stealing, Fight for Your Right to Get It et Brass Monkey, entre autres. Un album qui vieillit pas trop mal. On continuera ensuite avec une nouveauté, le nouveau Frustration. Pareil, ils me l'ont envoyé juste avant la sortie, Patrice et de Frustration, le bassiste. Merci à eux, merci, c'est gentil de faire confiance à une petite émission comme la mienne. Donc, je disais, on écoutera Cause You Run Away, c'est sur l'album Empires of Shame, le nouvel album sorti le 21 octobre 2016. On retrouve Empire of Shames, Mother Ars in Rag, un de mes préférés comme morceau, et Even with the Pills, un album sublime. On poursuivra avec King of the Road de Dillinger, c'est sur l'album Bionic Dread, sorti en 1976. Ah oui, c'est du vieux reggae ça. On retrouve Invisible Dread, Eastman Skank et Combination of Two. Et on finira ce bloc en live avec les Berus et Jim La Jungle. C'est sur l'album Carnaval des Agités, sorti en 1995. Une grosse, grosse, grosse compile qui déchire. On retrouve Commando Pernod, Vietnam, Laos, Cambodge et SOS, entre autres. Il vient d'être réédité chez Ronce Records. Donc, allez faire un tour sur Ronce Records et je pense qu'Olivier, il vous l'aura. Yes! Bruce I and the man Black Lion Sergeant come fit tell you about our love for music. Yeah, on s'attendait des limites en quête de sensations. Nothing gonna stop us. Tu connais la musique, elle se joue sans partition. A high inspiration, yeah. Dans les airs ou les vagues, sur la neige ou l'asphalte. Question d'adrénaline, on se donne toujours à fond. Yeah, tout jeune conçoit des projets, ériger mes idées sans jamais se faire diriger. De l'édifice se pencher devant le danger, voir mes émotions se propager. Ouais, j'aime marcher à côté de la ligne, prendre les virages trop rapides. J'aime sentir fuser l'adrénaline, toujours se tenir dans la marche pour caresser le vide. Yo. Oh yeah, yeah. Il y a toujours une prise de risque. Oh yeah, yeah. En montant sur scène comme en hobbies. Oh yeah, yeah. De ces vagues, je me sens vraiment addict. Comme chaque soir, le public rendra le verdict. Nothing gonna stop us. Tu connais la musique, elle se joue sans partition. High inspiration, yeah. Dans les airs ou les vagues, sur la neige ou l'asphalte. Question d'adrénaline, on se donne toujours à fond. À partager, s'immerger, me noyer dedans pour mieux apprendre à nager. Tomber, se relever et gamberger. Ne plus suivre le troupeau de moutons et leurs bergers. Ouais, j'aime toucher du doigt l'impossible. Ouais, quitte à perdre son équilibre. J'aime quand la peur me réanime. Vivant toujours sur le fil pour rester libre. Yeah. On flirte avec les limites en quête de sensations. Nothing gonna stop us. Tu connais la musique, elle se joue sans partition. High inspiration, yeah. Dans les airs ou les vagues, sur la neige ou l'asphalte. D'adrénaline, on se donne toujours à fond. Oh yeah, yeah. Il y a toujours une prise de risque. Oh yeah, yeah. En montant sur scène comme en hors-piste. Oh yeah, yeah. De ces vagues, je me sens vraiment addict. Comme chaque soir, le public rendra le verdict. Music we play cause we love it. No matter how hard we not drop it. Cause we do. To be where we are. Now see. sensation. Nothing gonna stop us. Tu connais la musique, elle se joue sans partition. High inspiration, yeah. Dans les airs ou les vagues, sur la neige ou l'asphalte. Question d'adrénaline, on se donne toujours à fond. Yeah. On flirte avec les limites en quête de sensation. Nothing gonna stop us. Tu connais la musique, elle se joue sans partition. High inspiration for me. Dans les airs ou les vagues, sur la neige ou l'asphalte. Question d'adrénaline, on se donne toujours à fond. And on the cool check-in, center stage on the mic, and we putting it on wax, it's the new style. 4 and 3 and 2 and 1. What up? And when I'm on the mic, the suckers run. Word. Down with that rockin' mic, D and you ain't. And I got more juice than Picasso got paint. Got rhymes that are rough and rhymes that are slick. I'm not surprised you're on my dick. Your glasses, you're from St. Thomas, I'm from Manhattan. You're jealous of me because your girlfriend is catting.

strive, not you don't take bribe. To strive, not you don't take bribe. The dread is the king of the road. Say the naughty dread is the king of the road. You know? Sounds called the king of the road, I would play. Yeah. Then if the ship overload, then we throw you overboard. The dread is the king of the road. Said if the ship overload, then we throw you overboard. The dread is the king of the road. Said it not the dread is the king of the road. You know. See Jack and Jill went to Mandeville. See Jack kill Jill for a tender bill. And then him run go to shoot a seal. And a little after that him gone to Sligoville. And a little after that them say that him gone and in Jamaica to Brazil. And he was feeling ill. Anyway, that was a pill. Coming from my windowsill. It's a one called a Jack and Jill, eh? You know. Say naughty don't take bribe. Say naughty don't deal with strife. Cause it's the strife to strife. We don't take bribe. Strife to strife. We don't take bribe. Cause if you keep on taking strife and take bribe. Use bribe and go deal with strife. You're bound to lose your life. It sounds funny but it's true. I want you to check it out. I want you to look into yourself and see what I'm dealing with, brother. Yeah, yeah. No, no, no, no, no, no. François, François, Lola, Lola. Yeah. Oh, oh, oh, pardon. Alors un morceau contre toutes les armées. Ça s'appelle Le retour de Jim la jungle. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy la jungle. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y On vient d'écouter Toujours à fond de Broussailles, The New Style des Beastie Boys, une nouveauté Cause You Run Away de Frustration, King of the Road de Dillinger et on a fini en live avec Jim Lazing des Berruriers Noirs. Cette 59e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux de nous suivre. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Vampire Freaks, l'émission radio. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur la page Facebook, mais comme ça, par curiosité, c'est sur archive.org et le titre, c'est Vampire Freaks, l'émission radio. Je remettrai les liens. Donc, n'oubliez pas, samedi 5 novembre, avec la Vampire Freaks, je serai à la Map Monde pour interviewer les musiciens du collectif de l'Offre de Pierre, puisque nous sommes partenaires. Venez nombreux, surtout venez nombreux, et puis surtout amis auditeurs Pono, pardon. Si vous voulez boire un coup, passer 5 minutes ensemble, il n'y a pas de souci, je suis open. Voilà, alors à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Si, j'oubliais, on va terminer avec Jusqu'ici, tout va bien de Demi-Pied, sur l'album Dragon Rush, sorti en 2015. On retrouve De ma planète. Le dernier chevalier et Laisse pas tomber. Donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Jusqu'ici tout va bien. Demi-portion. Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir, un mouton peut compter que sur lui-même. Jusqu'ici tout va bien, pourquoi on ressemble à elle alors qu'on voulait Chanel? Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir, un mouton peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, même si on ne va pas montrer. Papa, maman, travail dur et niveau n'a pas monté. Jusqu'ici tout va bien, le quartier une boîte à outils. On y a trouvé plein de vis, facile de chercher un fautif. À trop se renvoyer la balle, raqueter mieux qu'au tennis. Combien de fois j'ai entendu arrêter, j'appelle la police. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'à vitre appuyé épice. Arrête de faire le gangster et reconnexion tes pins. Jusqu'ici tout va bien, mais il serait temps qu'on s'extirpe. J'ai voulu faire un tête-tête, mais ils m'ont ramené ces types. On s'estime, se divise. Toutes ces pensées que l'on garde. J'ai pas suivi ta magie, comment cacher une carte à table. Jusqu'ici tout est stable, mais quand t'as rien c'est pas simple. D'autres ont fini pendu, mais pas celui du dessin. J'ai pas les mots, je m'excuse, et c'est pas un jeu non plus. Avant et Paris Hilton, nous ici on a pas tout. Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, on peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel. Jusqu'ici tout va bien, pourquoi on ressemble à haine alors qu'on voulait Chanel. Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Vas-y viens faire un tour chez moi, tu verras que c'est partout pareil. Ah ah, faudra bouger, plutôt que manger la gamelle. Les gamins ont mille barrettes, c'est mieux que la NPE. Personne n'a choisi cette vie, qui va refuser mille E. Attention à ce que t'écris, les petits écoutent mon frère. Pour eux le terrain est si petit, mais pas le casier judiciaire. Danger le moteur. Wesh cousin c'est normal, les potos rentrent en prison et toutes les balances normales. Jusqu'ici tout va bien, on s'en remet un moment. Vu que la joie est une sale drogue et que souvent on ressent le manque. Elle est dérivée de la coque, tapée dans la drogue dure. Non y'a pas que les hôtels qui se rapprochent près du mercure. Vidal au cachet de la casse, sale comme un mitard. L'île de Toa, la Devèze, en passant par la paillade. On rêve de jolis voyages et de mettre bien la maman. Frère tu n'as rien d'une bête, juste en portant plus. Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, on peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel. Jusqu'ici tout va bien, pourquoi on ressemble la haine alors qu'on voulait Chanel. Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. jusqu'ici tout va bien. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Alhamdoulilah. Demi-portion, Rachid Al-Gaouli à la prod. Dragon Rush.